Lorsqu'on dit des paroles déplacées, on ne peut pas tout rattraper. Donc, on va faire des dégâts qui sont irréversibles. Une femme doit savoir se taire quand il faut. Il y a un temps pour toute chose, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Et lorsqu'on ouvre la bouche, ce n'est pas pour détruire l'autre, ce n'est pas pour l'humilier, surtout pas un homme. Donc, si on a identifié que c'est effectivement ce que notre homme nous reproche, ou si les femmes qui me regardent se rendent compte qu'effectivement, c'est parce qu'elles ont dit, okay, que la relation s'est altérée, s'est détériorée, ça veut dire qu'elles doivent apprendre à violer, okay, cette habitude-là, cette propension à parler à tout va. Elles doivent faire différemment. Elles doivent se discipliner pour parler avec douceur, pour parler lorsqu'on leur donne la parole. Parce qu'il faut apprendre à écouter l'autre. Quand on est dans un dialogue, il y a un temps où l'autre parle. Si l'homme parle, vous ne pouvez pas parler en même temps que lui. Ça, c'est un affront. Et donc, c'est un affront et c'est un déshonneur. Il y a des femmes, quand elles parlent, elles n'attendent pas d'être dans l'environnement idéal. Il y a des femmes qui, avec leur langue, en fait, ont humilié leur mari en public. Okay. Vous avez des invités qui sont arrivés. Ce n'est pas lorsque les invités sont là que vous allez traiter des problèmes personnels, des problèmes intimes, et l'exposer sur la place publique. Ça, c'était une humiliation pour votre homme. Okay. On se retrouve aujourd'hui dans des situations où des femmes ont tellement humilié leur mari pendant des années, il a supporté. Mais dès que cet homme trouvera une femme qui l'honore, qui lui rend l'honneur, qui fait qu'il se sente un homme, qui se sente un roi, qui se sente un seigneur, en fait, son cœur va commencer à se détacher de sa femme. Donc il y a beaucoup de femmes vachies. Pour s'attacher à une femme à l'extérieur. Des femmes désobéissantes. Des femmes désobéissantes, des femmes insoumises. Mais quand il trouvera une femme, okay, qui a ces vertus de soumission qu'il recherche, ben, son cœur va... Et on se retrouve dans des situations où on vit avec un mari, mais qui ne s'ouvre plus à nous, qui ne se confie plus à nous, parce que qui ne nous parle plus, en fait. Donc l'atmosphère est glaciale dans la maison, vous êtes dans le même lit, mais vous ne vous parlez pas, parce que son cœur s'est totalement refermé. Vous êtes dans la même maison, mais vous l'avez déjà perdu. Et parfois, l'homme supporte, il est seul parce qu'il n'a pas encore trouvé une femme en qui il a trouvé, okay, ces vertus-là. Mais dès qu'il aura trouvé, soit il sera totalement fermé, mais toujours dans la maison, simplement pour faire bonne figure vis-à-vis de la famille, de la société et parfois même de son église. Mais il y a des hommes qui, à un moment, ben, quand c'est trop et que la goutte d'eau a fait déborder le vase, ils préfèrent la paix. Et donc, se séparer de cette femme et reconstruire un autre mariage. Il y a des femmes qui la prennent à leurs dépens parce que le mari est parti, ils ont divorcé. Mais si ces femmes-là veulent se reconstruire, elles ont intérêt à avoir le courage de se regarder dans le miroir et se dire que « mais j'ai la langue trop pendue ». Eh bien, j'ai la langue trop pendue. Il faut le reconnaître. Il faut avoir le courage de faire face à ces démons. Parce que sinon, vous ne pourrez pas les chasser. Eh bien, oui. Si vous avez tout fait et que vous n'arrivez toujours pas à gagner votre mari et qu'il ne veut pas de vous, okay, même si vous êtes dans la maison, il ne veut pas de vous parce qu'il n'y a plus de dialogue entre vous, il ne vous parle plus, il n'y a plus d'intimité avec vous, ou il ne veut pas de vous parce qu'il vous demande le divorce, je dis, lorsqu'on a accompli toute notre responsabilité humaine, okay, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, je dis, il faut se tourner vers Dieu. Parce qu'il y a des problèmes, parfois, dont les causes ne sont pas humaines. Donc, dont les causes sont spirituelles. Donc, on ne peut pas traiter un problème humain, on le traite avec des armes humaines. Mais un problème spirituel, on le traite avec des armes spirituelles. Évangéliste Lise, c'est une réalité. Beaucoup n'y croient pas, mais c'est une réalité. Nous, déjà, nous sommes des esprits, ok? Nous sommes enveloppés d'un corps, nous possédons une âme. Mais il y a d'autres esprits. Il y a d'autres esprits qu'on appelle des anges, mais aussi d'autres esprits qu'on appelle les démons. Et dans certaines familles, c'est une réalité. Il y a l'interférence d'entités invisibles, parfois dans le contexte du ménage, et particulièrement dans la vie de femmes, ok, qui sont liées par des alliances qu'on appelle des alliances de célibat. Il y a des familles dans lesquelles les filles ne doivent pas se marier. Et effectivement, quand elles essayent d'avoir une relation sérieuse avec un homme, ça ne va pas marcher. Un jour, il y a une femme qui vient dans mon bureau évangéliste, elle s'assied. Je vois bien que c'était une femme, très belle, très coquette. Ok, elle avait tout pour qu'on dise que c'était une femme. Parce que bon, tout, c'était réellement une femme. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes jamais. Qui ne le sont pas. Il y a des gens. Mais c'était réellement une femme. Ok. Et quand elle est venue devant moi, elle me dit, pasteur, quand vous me voyez, je suis une femme, mais en réalité, je suis un homme. Pourquoi ? Elle dit, dans ma famille, ce sont les femmes qui commandent. Ce sont les femmes qui ont la chefferie. Donc, elle avait l'autorité d'un homme. Okay? Elle régentait comme un homme. Elle ne permettait pas qu'un homme lui donne des ordres, lui donne des instructions. Elle devait toujours avoir le dernier mot. Mais effectivement, quand ce genre de femmes rentrent dans une relation de couple, mais elles ne vont pas se soumettre. Et ça se termine par des querelles. Mais en plus, l'intervention des esprits qui exécutent ce genre d'alliance de célibat, ils n'ont pas les bras croisés, ils travaillent. Certains vont jusqu'à exciter en fait, les querelles dans le cœur de la femme. Parfois, pour un rien, elle peut trouver une histoire. C'est-à-dire, à partir d'une chaussette qui traîne, elle va déclencher une histoire, même devant les invités. « Oh oui, mais tu as laissé, tu t'es déshabillé, tu es rentré, et puis tu laisses tes chaussettes traîner. » Et là, une dispute va commencer. Et si le mari s'en plaint, en plein devant les invités, cette femme va le remettre à sa place, elle va le rabrouer. Et là, c'est le conflit qui commence. Les invités partis, ben, ça va se terminer parfois avec des couteaux. Sans oublier et ce les genre femmes, de femmes qui vont recevoir le mari déjà parce femmes, qu'il est rentré en retard. Ben oui, ce genre de femmes parfois sont même violentes. Elles ont une force surnaturelle qui leur est procurée en fait par ces esprits-là en fait, par ces esprits. Donc ces femmes-là parfois battent leur mari. Et moi j'avais quelqu'un comme ça dans mon assemblée. Elle, quand elle se battait, c'était toujours avec des couteaux ou alors avec ses ongles. Elle mettait son mari en sang. Et là, quand vous vous retrouvez dans de telles situations, vous savez que vous avez une propension à vous disputer pour des choses qui n'en valent pas la peine, à vouloir dominer. Vous n'acceptez pas qu'un homme vous domine. Vous devez aller chercher le secours d'un pasteur. Vous devez chercher un homme de Dieu ou une femme de Dieu, pour faire un travail spirituel. Ça veut dire que vous devez briser cette alliance-là. Et pour briser cette alliance, il n'y a que les parties contractantes qui peuvent se retirer de l'alliance. Même si ce n'est pas vous qui avez contracté cette alliance, même si ce sont vos ascendants, parents, grands-parents, ancêtres, aïeuls, peu importe, par le sang, vous êtes héritier de cette alliance. Donc c'est vous qui, par vos paroles, ok, qui devez vous retirer de cette alliance en disant que je ne me reconnais pas, je me désolidarise, je n'accepte pas en fait. Okay? Et il y a toute une symptomatique qui souvent nous permet de discerner qu'on est dans ce genre d'alliance. Souvent, ces femmes-là, elles ont tout. Elles ont la beauté, elles ont l'intelligence, elles sont diplômées, elles ont de l'argent, okay? Mais elles n'arrivent pas à garder un homme. Elle n'arrive pas à garder un homme. Parce mais que si tu es une femme chrétienne, on parle des femmes chrétiennes d'abord en avant-plan, tu passes tout ton temps à l'église, tu n'es jamais à la maison. Et si ton homme te dit qu'il ne veut plus de toi, est-ce que cet homme-là a tort? Non, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, il y a les causes humaines. Et là, ces causes humaines-là, ça ne se traite pas par la prière. Si vous êtes une femme paresseuse, il faut le reconnaître que vous êtes paresseuse. Parce qu'effectivement, il y a des femmes qui se cachent derrière l'église, qui sont du matin jusqu'au soir à l'église. mais en fait qui n'osent pas reconnaître qu'elles ont des carences. Ok, il y a des femmes qui sont paresseuses. Bon, elles préfèrent aller chanter à l'église que de faire le ménage. Elles n'aiment pas préparer ou elles ne savent pas préparer. Elles préfèrent passer leur temps à l'église, mais pas seulement à l'église ou en balade avec les amis ou chez leur famille. Il y a des femmes qui ne sont jamais chez elles. Mais attendez, votre mari ne s'est pas marié pour être seul. Il s'est marié pour qu'il y ait une femme. Donc tous les deuils, elle est là. Chaque fête, chaque samedi. Chaque fête, chaque Noël, chaque séminaire. S'il y a des ateliers le matin, l'après-midi, le soir, elle est là. Ce n'est pas une mauvaise chose dans la mesure où vous avez accompli vos tâches. Okay? Où vous avez pris soin de votre mari. Vous lui avez donné ce qu'il attend de vous. Parce qu'il faut être organisé. Okay. La femme vertueuse, la Bible dit qu'elle organise sa maison. Si vous avez un personnel de maison, vous devez tâcher à ce que le personnel de maison fasse ce que vous n'avez pas fait pour que votre mari ne s'en plaigne pas. Parce que si la maison est sale tout le temps, mais franchement, la maison ne doit pas sentir l'oiseau. Elle doit sentir bon. Votre mari veut peut-être emmener ses amis, son patron et trouver une maison sale. Non. Si vous n'êtes pas en capacité de le faire, vous devez vous faire aider. Appeler une amie, appeler une sœur. Bon. Mais là, ce n'est pas tout le temps, c'est occasionnellement. Parce qu'on se retrouve dans des situations aussi où des femmes ont démissionné. Elles ont démissionné pour des raisons multiples, par paresse. Moi, je préfère une femme, ok, je préfère une femme ignorante qu'une femme paresseuse. Parce qu'une femme ignorante, dès qu'elle sait, elle va appliquer. Mais une femme paresseuse, même si elle sait, elle ne fera pas ce qu'il faut. Okay? Donc il y a des femmes qui sont paresseuses, qui ne le reconnaissent pas. Mais écoute, tu dois dire à ton mari, j'ai un problème. Il y a des femmes aussi qui procrastinent toujours. C'est-à-dire qui remettent au lendemain ce qu'elles doivent faire. Mais tu dois savoir le reconnaître et rechercher de l'aide. Dire à ton mari, écoute, il faut que tu sois patient avec moi. Voilà ce que... Mais il faut qu'il voie aussi cette volonté, ok, de changer, de changement. Et c'est possible de se rééduquer. Ok, on se rééduque en essayant une fois, deux fois, mais pas en fuyant. En fuyant, en se cachant à l'église, en fuyant, en étant tout le temps en balade, en fuyant, en étant tout le temps en voyage, en fuyant, en étant tout le temps chez ses parents. Où il y a d'autres femmes aussi, elles sont tout le temps, c'est-à-dire elles assistent à tous les mariages, tous les décès. Si le décès dure une semaine, elles seront là toutes les veillées. Elles abandonnent leur mari. Mais votre mari a des besoins aussi. Il a besoin de votre chaleur dans le lit. Vous ne pouvez pas l'abandonner. Mais un moment, quand il recherchera cette chaleur, s'il ne peut pas l'avoir de vous, il va aller la chercher ailleurs. Et c'est nous parfois qui poussons notre mari dehors. Qui poussons notre mari dehors. Donc si, il faut avoir le courage de reconnaître « je suis paresseuse ». Et commencer à faire un travail sur soi et se discipliner. Je suis quelqu'un qui procrastine tout le temps. Okay? Le reconnaître. En fait, le reconnaître, c'est le début de votre guérison et de votre rééducation. Okay? Je ne sais pas préparer. Aujourd'hui, avec Google, vous pouvez apprendre. Ou si c'est quelque chose, vous n'avez pas le temps. Okay? Faites un compromis avec votre mari. Dites-lui, écoute, je ne peux peut-être pas préparer tous les jours de la semaine, mais je te promets que le week-end, je suis là, je te fais à manger. Et là, vous aurez pris le temps déjà d'apprendre les recettes et de le satisfaire. Parce que vous ne pouvez pas tout faire par les autres. Il y a une femme qui s'est fait voler son mari par la nounou. Parce que finalement, vous ne vous occupez pas de vos enfants. Attendez, c'est la nounou qui fait tout. Qui fait les devoirs, qui fait les cheveux, qui fait tout. Je suis d'accord que les femmes ne sont pas mariées pour être des ménagères. Ce n'est pas à cela que je veux réduire la femme. Okay? Le mariage, d'abord, c'est une association pour la destinée, pour qu'on puisse accomplir notre destinée divine. Okay? Mais ça, ce sont des moyens, okay, qui nous aident à rester ensemble justement pour accomplir cette destinée divine. Okay? Parce que ça, si une femme abandonne son foyer aux mains de la nounou, okay, préparer, c'est la nounou. Votre mari ne connaît même pas le goût de votre nourriture. Okay? Tout faire, le masser, vous appelez la nounou ou vous appelez la sœur. Mais à un moment, le mari va se dire, si c'est la nounou qui sait tout faire, si c'est la nounou qui incarne toutes les vertus, autant prendre la nounou. histoire authentique, un homme a pris sa nounou et il a mis la femme à la porte.